dit que ça n'a pas été ce qu'il y a de plus beau ce matin. Par contre, au courant de la journée, ça devrait changer. Alors, pour ceux qui se demandent justement si le Grand Prix de Trois-Rivières a toujours lieu, eh bien, sachez-le, oui, le Grand Prix de Trois-Rivières a toujours lieu et ça devrait arrêter de mouiller dans quelques instants. OK, je pensais qu'il y a la raison qu'il n'y a personne dans les gradins, c'est qu'ils voulaient nous laisser dans notre environnement. On anime devant personne dans le studio habituellement. Ça pourrait être ça. Mais sachez-le aussi, on a un studio mobile en fin de semaine. On est vraiment bien installés. On appelle ça ici la roulotte à patates parce que je suis dedans. C'était juste toi, ce serait la roulotte du grand luxe de princesse. C'est ça, attention à ce que tu dis. Là. Monsieur Patate est là pour que ce soit une roulotte à patates. Monsieur Patate. Alors, pour vous situer, eh bien, on est tout près des autres concessions. Si jamais vous êtes soit sur le terrain du Grand Prix que vous nous écoutez avec des écouteurs sur C'est Fou 89.1 FM. L'application C'est Fou Live aussi. Exactement. Ou si vous êtes en train de vous demander justement si vous allez vous présenter au Grand Prix de Trois-Rivières. La réponse est oui. La réponse est oui. Vous n'avez pas le choix. On vous l'ordonne immédiatement. Daniel l'a dit. C'est ça, exactement. Moi, si j'étais vous, je suivrais ses instructions. Oui. On tient aussi à saluer les gars qui sont en régie, qui nous ont donné un bon coup de main ce matin, Claude et toute son équipe. On tient à remercier aussi les gars de Crown, la concession qui est juste à côté de nous, qui nous permet quand même de déborder un petit peu sur leur terrain cette fin de semaine. Alors, c'est vraiment très, très gentil, les gars. Et on remercie tous les bénévoles aussi qui sont là, qui sont la plupart ici depuis déjà 7 heures ce matin. À 7 heures ce matin, il s'est mis à mouiller quand même beaucoup et ils vont être ici jusqu'à 9 heures ce soir. Alors, si ce n'était pas d'eux, je crois qu'on n'aurait pas nécessairement de course cette fin de semaine. Alors, on les remercie. C'est drôle, parce que j'arrête pas de regarder dehors comme si quelqu'un allait me regarder. Oui, notre public oui, est à la hauteur de notre taille environ. C'est ça. Mais sachez-le aussi, aujourd'hui, c'est la fameuse journée gratuite. Okay. Alors, si vous êtes du genre à vous demander si vous voulez vous présenter et vous voulez débourser peut-être pour venir voir le Grand Prix de Trois-Rivières, si vous voulez juste vous donner un aperçu de ce que pourrait être votre fin de semaine, eh bien, sachez-le, à partir d'aujourd'hui, midi, le site va ouvrir et c'est complètement gratuit pour l'admission générale. Bien évidemment, pour les estrades qui sont VIP et les estrades qui sont payantes, eh bien là, on vous demande vos billets comme à l'habitude. Mais sachez-le, la journée, elle est gratuite aujourd'hui. Vous pouvez, comme à la bonne vieille habitude du Grand Prix de Trois-Rivières, vous promener un petit peu partout et tout simplement parler à n'importe qui. Les pilotes sont très, très accessibles. Et aujourd'hui, on a quand même une bonne journée chargée malgré le fait qu'on commence à midi. Et c'est le troisième jour en tant que tel du Grand Prix. Nous, on commence aujourd'hui, mais en tant que tel, c'est pas le début. Là. Non, parce qu'il y a déjà eu un week-end numéro un, comme on en parlait dans l'émission En piste avec Tania Baudin mercredi. C'était la fin de semaine du rallycross. Oui. Grosse fin de semaine. On a eu du beau temps. Ça commence un petit peu plus gris aujourd'hui, je vous dirais, mais en temps normal, on se croise les doigts. On se croise les doigts. Les doigts. Ben, les coureurs, ils font ça des fois, ils croisent les doigts puis ils font les coins ronds. Ils tournent les coins ronds. Et on vous demanderait aussi de mettre votre chapelet sur votre corde à linge pour que la météo se mette de notre côté. Mais tu as beaucoup de choses. Tu connais pas ça? Non, je connais pas ça. T'es-tu sérieux? Superstitions. Tu connais pas les fameuses superstitions et les fameux trucs pour avoir une belle météo? C'est de mettre un chapelet sur une corde à linge, justement. Je crois que c'est pendant une nuit complète. Alors, ce soir, si vous voulez du beau temps demain pour la fin de semaine de course, mettez votre chapelet sur votre corde à linge et priez le petit Jésus. Ça devrait fonctionner. Je pensais que ça avait rapport avec le hockey comme le tour du chapelet. Non, c'est ça, le tour du chapeau. Ah, excuse-moi. Voilà, c'est pas nécessairement la même chose. Oui, c'est ça. Les sports et Mathieu Plante. C'est pour ça que j'ai demandé de venir animer avec moi. La personne appropriée. Exactement. Dans tous ceux qui auraient pu animer l'émission avec moi, j'ai demandé à Mathieu. Tu as fait le tour de ton Rolodex pas mal. Oui, c'est ça. Mais on vous le dit, on va être en onde tous les matins de course avant les événements. Alors, ce matin, on a commencé à 10h30. On va essayer de faire une émission peut-être d'une heure ou une demi-heure, tout dépendant. Jusqu'aux courses, on est capable de faire ça. Exactement. Jusqu'aux courses. Et aujourd'hui, bien, comme je vous le disais, la météo s'est montrée un petit peu plus méchante envers nous. Est-ce que ça peut retarder la course? Ça pourrait retarder certaines installations qui doivent être prêtes pour l'heure. Mais par contre, sachez-le, il va y avoir des courses pareilles. C'est tout simplement que les voitures vont monter en piste avec des pneus de pluie. Ah, OK. Alors, oui, exactement. On a des pneus adéquats. Ce matin, par contre, il y avait des essais en piste. Mm-hmm. Il y avait des tours pour certaines personnes avec l'Académie Andrew Ranger, entre autres, mercredi dans l'émission En piste avec Tania Baudin. On avait reçu Kevin Bocage, qui est le directeur de l'Académie. On en avait discuté. Vous pouviez appeler pour vous offrir un forfait, faire un tour de piste à bord d'une voiture de type NASCAR avec Andrew Ranger. Les frères Dumoulin aussi étaient là. Malheureusement, sachez-le, ça a été annulé ce matin à cause de la pluie. Ce sont des voitures qui n'ont pas des pneus de pluie. Alors, de ce côté-là, on ne pouvait pas nécessairement laisser les voitures aller sur la piste. Par contre, si vous voulez toujours appeler à l'Académie Andrew Ranger, cherchez sur Internet le numéro de téléphone parce que je ne me souviens plus nécessairement du numéro par cœur. Par contre, il y aura une journée qui va être entièrement Grand Prix de Trois-Rivières. Alors, tous les gens qui s'étaient déjà offert le forfait, vous allez soit être appelé par l'Académie ou bien vous-même vous renseigner auprès de l'Académie, même de la page Facebook de l'Académie. C'est quelque chose qui va être transféré un petit peu plus tard dans l'été. Vous allez pouvoir être à l'Académie directement, c'est-à-dire à Saner. Puis, ça va être une journée vraiment consacrée au Grand Prix Trois-Rivières. Tous les gens qui étaient censés faire leur tour de piste ici les feront à Saner accompagnés de... Mais je pense que les gens du Grand Prix vont être tous là. Wow. Donc, ça va être très, très le fun de ce côté-là. On ne va pas avoir tout perdu. Est-ce que tu veux les informations sur l'Académie Andrew? Vas-y donc, Mathieu. Donc, le site web, c'est Andrew Ranger Academy. Oui, Académie avec un grec. Oui. Et le numéro de téléphone du lundi au vendredi entre 9h et 17h30 est le 1-800-995-2084, 1-800-995-2084. Merci, Mathieu. Mathieu est mon recherchiste quand moi, je suis sa recherchiste dans l'émission. Voilà. Et voilà. Rôles inversés. Et voilà. On vous discutait aussi, on vous disait qu'il allait avoir quand même une bonne journée chargée. Mmh. Ça commence à midi, comme je vous le disais, l'ouverture du site. Donc, si vous êtes à la maison, vous êtes en train de vous préparer, présentement, il est 10h40, vous pouvez bien évidemment vous rendre sur le site pour midi, ça va ouvrir. Et les courses commencent à 12h30. Donc, on va commencer avec des qualifications de la Formule 1600. Par la suite, ça va être les essais de la CTCC, ce qu'on appelle le Canadian Touring Car Championship. Par la suite, ça va être Porsche GT3 Cup Canada, une série que j'aime particulièrement pour la beauté des voitures. Oh. Je pense qu'une Porsche, c'est indescriptible. Superficielle. Ah, c'est tellement plus superficiel, Mathieu. Là. C'est juste parce que tu connais pas ça. C'est ça. Au moins, tu n'as pas dit que c'était parce que les conducteurs, les courseurs, les chauffeurs, comment on les appelle? Oui, les courseurs. Les garçons. Les pilotes. C'est ça. Les pilotes, excuse-moi. Oui, mais il y en a qui sont jolis quand même. Là. On ne peut pas passer à côté. Franchement. il va y avoir aussi la nouvelle série qui a déjà été ici, mais avec un retour après 13 ans d'absence, c'est IMSA Prototype. Donc, Mazda Prototype revient ici au Grand Prix Trois-Rivières. On voulait faire quelque chose de nouveau un petit peu cette année. On va aussi avoir la Nissan Micra qui va être là à partir de 15h15. T'en parles souvent, ça a l'air cool, les Nissan Micra. Oui, c'est un bon spectacle, je te dirais. Il y a plusieurs pilotes dans la série. C'est une série qui, au début, on se disait, OK, c'est une série abordable, il n'y aura peut-être pas beaucoup de pilotes. Et au fil des ans, ça a commencé vraiment à faire sa propre réputation. Ici, ce week-end, on a au-dessus de 26 pilotes qui vont être en piste dans la série Nissan Micra. Et souvent, dans mon émission En piste avec Tania Baudin, je le dis, c'est quasiment comparable à l'ancienne série qui était la Toyota Echo dans le temps. C'est très, très, très semblable. C'est une petite voiture avec quand même beaucoup d'adhérence. Vous allez voir, ça donne un spectacle vraiment remarquable parce que bien souvent, on va voir les gars sur deux roues seulement dans les coins. C'est quelque chose qui se manipule quand même assez bien. Et on a beaucoup, beaucoup de pilotes, que ce soit des pilotes très, très, très expérimentés, que ce soit ce qu'on appelle des vétérans, là, des messieurs que ça fait vraiment longtemps qui font de la course automobile. Eh bien, on en retrouve dans cette fameuse catégorie-là, dans cette série-là. Mais on a aussi ceux qui sont téméraires, qui sont là depuis quelques années, qui ont fait de la Formule 1600, qui ont fait du karting. On est dans nos débuts de carrière, donc on n'a pas froid aux yeux, comme on dit, et on veut gagner. Donc, de ce côté-là, on a vraiment plein de types de pilotes différents, mais on se retrouve en piste vraiment avec une trentaine de pilotes, et c'est quelque chose qui donne tout un spectacle. Puis là, les petits go-karts beige, ça fait pas partie du Grand Prix, ça? Non, non, non. Ça, les karts de golf, Mathieu, c'est pour les bénévoles. Ah, OK, excuse-moi. Oui, c'est ça. C'est à midi, là. Non? À midi, ils se mettent toute sa ligne de départ. Ça commence vraiment très mollo. Exactement, non. Ça va pas, malheureusement, en piste. Et sachez-le, dès 16h, c'est déjà le début des courses. Alors, on va avoir des courses qui vont débuter à 16h avec la Formule 1600. Ça aussi, c'est quelque chose qui va donner un excellent spectacle. Je pense que cette fin de semaine, on a au-dessus de 32 voitures en Formule 1600. Je ne veux pas comparer ça d'une petite Formule 1 parce que c'est vraiment très, très différent. Puis ça serait mal catégorisé, cette série de courses-là. Par contre, c'est une série de type monoplace. C'est une Je pourrais dire aussi open wheels si on y va du côté anglophone pour peut-être ceux qui connaissent mieux les termes anglophones. C'est vraiment une formule. On n'y va pas dans le type de véhicule routier qu'on connaît en temps habituel, comme exemple CTCC. Alors, c'est un petit peu une de nos seules formules de la fin de semaine. Et on va retrouver des pilotes très, très expérimentés dans cette série-là. Entre autres, je pense à Didier Scrannon qui va tenter de refaire un podium ici cette année. Je pense aussi à l'équipe d'Amafro qui est là depuis le tout début de la série Formule 1600. Si vous êtes du type à aimer les courses de monoplace, eh bien, soyez là pour 16 heures parce que c'est la journée où on fait les courses de soir, déjà en partant. Et aujourd'hui, avec la météo, j'ai comme l'impression qu'on va avoir cette formule-là où on va pouvoir allumer les lumières. C'est un petit défi de plus aussi en même temps pour les conducteurs. Oui, il y en a certains qui apprécient beaucoup la formule de nuit. Il y en a d'autres qui trouvent ça un petit peu plus difficile justement pour la visibilité. Au niveau des lumières des autres voitures à ce moment-là, lorsqu'on tente de... Ils ont-ils des hautes? Y en a qui en ont. Et malheureusement, quand tu conduis une voiture, tu ne penses pas nécessairement à ce que si tu portes ton wiper ou si tu accroches la lumière des hautes. Mm-hmm. Donc, à un certain moment, ça peut arriver. C'est quelque chose qui peut arriver, mais c'est aussi ce qui ajoute un petit challenge à ces fameux... Ben, c'est ça, parce que là, ils sont habitués de faire des courses d'auto. À un moment donné, il faut que tu changes, spin, puis rentre dans l'eau. Et voilà. C'est ça. Et voilà. Selon Mathieu, ça serait beaucoup mieux si c'était des autotamponneuses. Dans ces autos-là, est-ce qu'il y a toutes les options? Moi, je te pose des questions stupides en tant que débutant de course, mais est-ce qu'il y a tout ce qu'il y a dans une auto normale? Est-ce que tu as, une radio dedans? Ça dépend quel type de véhicule. Si on va dans une Nissan Micra, par contre, oui, parce qu'on n'a pas beaucoup changé la carcasse du véhicule. On a tenté de faire quelques modifications, bien évidemment, à la sécurité du véhicule. Donc, la cage de sécurité va être refaite pour vraiment le type course. Par contre, tout ce qui se retrouve à l'intérieur du véhicule, dans une Nissan Micra, vous allez retrouver quand même une radio. C'est certain qu'il va y avoir d'autres boutons qui vont s'ajouter. Ouais. Valise, est-ce que c'est une valise normale? Peux-tu aller faire ton épicerie et ton auto de course? Oui. Oui. Par contre, pour la série Nissan Micra, c'est refusé. Ah. C'est dans les règlements particuliers de cette série-là, tu n'as pas le droit d'utiliser cette voiture-là sur la route. C'est correct. En CTCC, il y a quelques années, il y a des pilotes qui utilisaient leur voiture de route pour venir faire de la course. C'est-à-dire que leur voiture se trouvait quand même très, très sécuritaire dans la rue, tout simplement. C'est juste qu'elle était commanditée de bord en bord. Puis il y en a qui peuvent aller super vite. Tu vois, dans les publicités de chars de nos jours, c'est tout le temps, ça va à des 200 quelque chose km/h dans les pubs d'auto. Mm-hmm. Pourquoi qu'ils montent ça au public? Oui. Que tu peux aller jusque-là? C'est ça, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a des endroits pour faire de la vitesse. Puis c'est un petit peu ce qu'on voulait faire avec la Nissan Micra, au fait de dire tu n'as pas nécessairement le droit d'aller utiliser ta voiture de course pour aller justement faire ton épicerie le mercredi soir. Ou dans les pubs, c'est quoi? C'est sur le bord de falaise? Oui, c'est souvent ça. Hein? Les pubs de, par exemple, Mercedes ou Ferrari ou peu importe, ça va souvent être... C'est écrit en bas, genre, à ne pas s'essayer. À ne pas s'essayer. Ceci a été filmé sur circuit fermé avec un pilote professionnel. C'est un écran vert, sûrement, en arrière. Oui, c'est ça. Ça arrive parfois. Sachez aussi, ce soir, il y a deux courses de la Formule 1600. Alors, vous allez pouvoir voir déjà deux courses de cette fameuse série de type monoplace. Et il va y avoir aussi cette très grande course de soir où qu'on aime beaucoup année après année parce que je veux pas vraiment dire que la nuit est tombée, là, mais il fait plus soleil. Donc, c'est vraiment noir. La pénombre, c'est quoi? C'est quasiment... Le matin, c'est l'aube? L'aube et la pénombre. La pénombre, d'accord. Et voilà. Puis, on ouvre toutes les lumières autour du circuit. C'est ce qui crée vraiment une ambiance vraiment spectaculaire. Ouais. Et c'est la série CTCC, donc le Canadian Touring Car Championship, qui fait cette course-là année après année. Je pense que maintenant, c'est la cinquième année qu'on fait cette formule-là de soir. Et ça donne vraiment un spectacle... Comment je pourrais dire? Majestueux et les amateurs, les spectateurs qui sont ici dans les estrades apprécient cette formule-là de soir parce que c'est pas quelque chose que l'on voit partout ailleurs au Canada si jamais on est du type à voyager pour aller à différents événements de course automobile. C'est vraiment juste ici qu'on a la formule de soir comme ça. Alors, c'est très, très apprécié des gens qui sont dans le public. J'espère que les gens entendent un petit peu au moins par nos micros les courses d'auto en arrière. J'espère que nos micros sont assez sensibles pour pas. Je me demande, mais quand même. J'allais demander, qu'est-ce que j'allais dire tantôt? Oui, course de soir, est-ce que les pilotes tiennent toute leur petite lampe de citronnelle pour les bébés des fois? C'est ça le soir, l'été. Oui, c'est ça. Je ne sais pas. Là, la météo, elle a été de notre côté. Ouais. Il ne devrait pas y avoir trop de mouches aujourd'hui, trop de bébites, j'espère. encore une fois, on se croise les doigts. Les trois, oui. Oui, les droits. On se croise les doigts de ce côté-là, encore une fois. Mais non, non, Mathieu, il n'y a pas de citronnelle en piste. Je suis pour poser les vraies questions. Non, je sais. C'est pas grave. On te la laisse, celle-là. Et comme on vous le disait aussi, vous pouvez tout au long de la journée passer devant notre kiosque. Notre roulotte. Mais c'est vraiment le fun, par contre, comme ça. Notre studio mobile. Oui, moi, j'adore ça. Pour vrai, je trouve ça super luxueux. Ah, tu vois? Ah! Ça veut dire que ça marche. Oui, c'est ça. Ça veut dire que si jamais on meurt d'une fuite de CO2, on va être averti à temps. Alors, vous le savez. Oui. Non, mais c'est ça. On va raconter un petit peu aux gens, pour ceux que ça intéresse, oui. Le behind the scenes. À moins que, je sais qu'on a d'autres choses à dire, mais quand même. On a le temps. Donc, dans la roulotte, on a une petite télé pour regarder les courses. Oui. C'est cool. Et on a un micro-ondes. Oui. Fait que, tu sais, ça dépend quelle grandeur d'écran tu veux. Oui, c'est vrai, parce qu'ils sont probablement la même grosseur. Oui, parce que moi, pour vrai, un popcorn dans le micro-ondes, quasiment aussi intéressant qu'une course de chars. Hein? Pour toi, oui. Pour moi, oui. Ou tu peux te faire du popcorn en écoutant dans la course la de chars. Ah, okay, ouais. Faire du popcorn dans la télé, ça marche pas. Puis pour ceux qui ne savent pas, bien, le studio mobile qu'on a en fin de semaine est une commandite de GoVR. Vous allez pouvoir voir leur pilote, Martin Côté, en piste durant la série NASCAR Pinty's. Alors, on les remercie beaucoup parce que la semaine dernière, on a eu quelques complications avec nos installations. Notre tente a explosé. On pourrait dire ça comme ça. Elle était chauffée au propane. Oui, c'est ça. Alors, on pourrait quasiment dire qu'elle a explosé de ce côté-là. Alors, ils ont gentiment prêté un studio mobile à C'est fou 89.1 FM. Confortable, chaud, protégé de la pluie. Oui. Donc, GoVR, on les remercie. Ils sont à. C'est eux qui sont Ange à. Ange gardien. Ah, c'est ça. J'allais dire Saint, mon doux Seigneur. De mais pas loin de Saint-Pie-de-Bagotte puis de Granby. Saint-Pie-de-Bagotte. Mais ça, c'est ça, Saint-Pie-de-Bagotte. Bon, gars, tu me mêles. Tu vois? Je ne suis même pas certaine. Pour ceux qui connaissent le circuit de Sanerre, c'est tout près du circuit de Sanerre. Alors, ouais. Si vous êtes des amateurs de course automobile, sachez-le. Ouais. GoVR, pas très, très loin de là. Location, achat? Location, achat, prêt. OK. Et si jamais vous avez quelques complications... Réparation. Ah, c'est bon ça. Et un coin quincaillerie aussi assez remarquable. Je me suis perdue là l'autre jour en allant chercher le studio. Ben, parce que c'était merveilleux. Ils ont du papier de toilette pour les roulottes. Il y a du papier de toilette spécial pour les roulottes. Ah, parce que le réservoir, exactement. Ah, ça a du sens. Mais est-ce que c'est toi qui as magasiné la roulotte qu'on a en ce moment? Non, c'est pas moi qui l'a réservé, qui l'a magasiné. Elle était déjà réservée. Il l'avait déjà choisie pour nous. Mais c'est vraiment la grandeur. Oui, c'est parfait. On va prendre des photos pour vrai. Il faut vous le montrer. Là. On a pris 5 minutes pour en parler, mais ça vaut la peine de voir un petit peu comment ça peut fonctionner une radio dans une roulotte. Moi, j'aime ça. Tout à fait. Yes. Puis c'est une belle grandeur. Oui. Si on est une petite famille, on peut très bien s'y rendre en camping. C'est sûr que ce qu'on dit quand on va en camping, c'est si il mouille, ta roulotte rapetisse d'un pied par jour. C'est supposé rimer les phrases de même, par exemple. Ah, pas ouais? Par jour, éloigne le docteur pour toujours. Oui, je sais, mais là, c'est pas ta phrase. On va t'en trouver une. C'est si il mouille. S'il mouille. Ta roulotte rapetisse d'un pied par jour. Faut que t'aies la trouille. Faut que t'aies la trouille. Je sais pas. Oui. Oui. Faut que t'aies la trouille. C'est ça. Monsieur. Oui. Oui. Mathieu, est-ce que tu es capable de nous trouver de la musique super système informatique? Je suis en train de regarder la météo pour voir si la pluie allait arrêter. Finalement, c'est encore dans les 70 jusqu'à au moins 13-14 heures en ce moment. Oh, OK. Pas facile aujourd'hui. Pas facile. Toi, tu y vas directement avec Météo Média? Ben oui. Moi, si j'y vais avec directement iPhone, à 2 heures cet après-midi, on devrait plus avoir de pluie. Ah, OK. Bon. Cool. Alors, mais iPhone, c'est vraiment fiable. Ouais, je sais. Je me fierais pas nécessairement là-dessus, Tania. T'as bien raison. Je me sens un petit peu genre, pas quétaine, vraiment pas, parce que c'est pas mon genre d'être quétaine, mais des fois, ça me tente d'écouter des classiques, tu sais. Surtout, ben oui. Je trouve, quand on a du sport, on a de... Tu sais, une course de char, il faut quelque chose de thématique, il faut quelque chose qui va donner l'envie de regarder des courses. T'sais. Fait que je vais essayer. Ça ne veut pas dire que ça va marcher parce qu'on est sur le LTE. Oui. Le LTE, ça ne fonctionne pas toujours. Pas toujours. T'as bien raison. Je vais cliquer dessus. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ah, j'ai envie d'écouter du Queen. Ah, ben oui. Bon, ça me dit, rien de mieux. On se retrouve après Queen. Gravity. I'm a racing car passing by like Lady. qu'on joue tellement, toi et moi, dans nos émissions, mais... Non, c'est bien vrai. Mais... C'est classique. Et voilà, Queen, ouais. Avec la pièce Don't Stop Me Now. Mm-hmm. Une pièce qui pourrait bien fitter avec le monde de la course automobile, selon le titre. C'est pour ça que j'ai choisi, Tania, c'est pour ça que j'ai choisi, voyons. Tu penses à tellement de choses, Mathieu. Je suis un gars de lien, moi. Exactement. Ben, oui. Et on vous le répète, vous êtes dans l'émission spéciale En piste avec Tania Baudin, en direct du Grand Prix de Trois-Rivières. On vient tout juste d'allumer les haut-parleurs devant nos studios mobiles. Les gens peuvent nous entendre dehors. Et voilà, alors ceux qui passent devant notre fameux studio mobile, vous pouvez entendre notre émission en direct. Vous pouvez nous faire des babayes au travers des vitres, parce qu'on a quand même des vitres. Mais il y a un délai, fait que si vous faites babayes, on va avoir le babayes plus tard. Fait qu'on va vous répondre plus tard. Ah, c'est pas mal, ça marche. Hein. Non, je pense pas, malheureusement. La vraie vie, il n'y a pas de délai. Oui, il n'y a pas de délai. Excuse-moi. On est en train de faire tantôt le tour de la roulotte, parce qu'on a beaucoup de temps quand même à remplir jusqu'à midi. Donc oui, quand même. On peut se permettre de parler de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a un beau petit rond-point? Oui, définitivement. Comme le fun, une fenêtre de secours si jamais il y a un feu. Oui. Parce que tantôt, l'alarme de CO2 a sonné. Oui, bien ça, c'est quelque chose qui est important quand vous avez une roulotte. Parce qu'on le répète, notre studio mobile est une commandite de GoVR à Ange-Gardien. Mais lorsque les gens font du camping, justement, ou si vous procurez une roulotte, c'est quelque chose qui va revenir, ce fameux petit bip-là, pour être sûr que le détecteur de CO2 fonctionne bien. Oui. Alors, c'est l'indicateur qui dit que oui, je suis encore en vie. Ben, c'est un peu comme dans les autos, pas intelligentes, mais qui se conduisent tout seuls, avec un petit signal qui dit « garde tes mains sur le volant » tout le temps. Oui, exactement. C'est un peu la même chose, pour te le rappeler. Nous, on a une super belle vue sur un mur de béton. Oui. Mais habituellement, en roulant, vous allez avoir une plus belle vue que ça. Ben oui, clairement, si vous allez à... Oh, comment ça s'appelle? Dollywood? Dans le coin de Québec, là. L'île d'Orléans. Ah! L'île d'Orléans. Je vais dire Limoilou, parce que ça sera affaire de Québec que je connais. Oh non, c'est peut-être pas le coin le Ashton. Plus chic de Québec. Ashton! Non? Oui. Non, t'es référé du camping chez Ashton? Ben oui, ils ont de la poutine, dude. Ouais, OK, comme ça. Mais sachez-le aussi, au Grand Prix Trois-Rivières aussi, on a de la poutine. Parce qu'on est situé où est-ce qu'il y a toutes les concessions. Oui. Donc, où est-ce qu'il y a tous les restaurants aussi. Seulement la fin de semaine pour certains, par contre. J'ai vu qu'il y avait un restaurant qui était marqué samedi et dimanche entre telle heure et telle heure. Faut faire attention. Il y en a qui sont ouverts aujourd'hui. Oui. Mais moi, j'ai hâte. Pour vrai, tu sais, là, je vais t'annoncer, ça veut pas dire qu'on va tout faire ça, mais je me suis préparé un petit peu de contenu pour plus tard. Puis, je m'étais dit, à un moment donné, ce serait le fun, ce serait vraiment cool de faire assez fou, parce que bon, j'ai préparé du C'est un fait, ça existe, mais tout avec thématique de char. De course, c'est ça, de course. Mathieu, t'es mais, en feu. Ben, mais moi, je me donne. Mais j'aimerais ça aussi, à un moment donné, si on peut goûter aux produits qu'il y a dans les kiosques. On va essayer. Genre goûter à la limonade. J'ai vu qu'il y avait un stand de limonade la semaine passée. Oui, il y a un stand de smoothie aussi. Oui. Hier, ce que j'ai... pas hier, mais la semaine dernière, ce que j'ai vu, puis qui m'a laissé un petit peu... Perplexe, oui, disons-le. C'est je une complète ces phrases, ça n'a pas d'allure. Hein? Une poutine au homard. Hein? Au homard? Oui. Wow! C'est, je ne vois plus, malheureusement, le kiosque qui le fait, mais je pense que ça s'appelle Bleu Homard. Oui, c'est Bleu Homard. Voilà, ouais. Et c'est là que vous pouvez vous la procurer. J'ai un de mes amis qui mangeait ça la semaine dernière. J'ai dit, Sam, ça n'a vraiment pas l'air bon ce que tu... Hey! Puis, il m'a dit, non, Tania, il faut absolument que tu y goûtes, c'est vraiment très bon. Mm-hmm. Mais je n'ai pas osé lui en voler, alors si on a la chance en fin de semaine de goûter à ça, on essaiera ça. T'es trop traditionnelle conservatrice, Tania. Non, mais j'ai de la difficulté à me dire que du homard, ça peut aller dans de la poutine. Fait que c'est pas toi qui vas arracher la franchise de Planète Poutine, qui est à vendre. Non, je penserais pas. Elle est à vendre? Ouais. Déjà? Ouais. je le sais. Hey, le petit pétac va fermer aussi, as-tu vu ça? Le petit pétac. Qui était un de nos collaborateurs. Absolument. Très belle place. L'improvisation du Wamboozle avait lieu là chaque semaine depuis le début de l'été. C'est vrai. Grosse perte. Et là, ben, évidemment, le satyre qui s'attire de l'arrière, comme on dit. Oui, mais semblerait que le satyre, on est en train de mettre du temps sur des spectacles d'humour. Oh, bonne idée. Et que ça fonctionnerait très, très bien pour le moment. Alors, je leur souhaite la meilleure des chances. Absolument. Parce qu'honnêtement, cette salle de spectacle-là, c'est une très belle salle de spectacle. Oui. On se souvient, c'était le Maquisard aussi. Mm-hmm. Et à plusieurs reprises, ça a été acheté. Ça n'a malheureusement pas fonctionné pour plusieurs personnes qui avaient investi dans cette salle de spectacle-là. On se demandait toujours pourquoi. Et j'espère honnêtement que quelqu'un va avoir les reins solides pour pouvoir mener projet à terme. Oui, c'est du long terme. C'est pas du « ça va fonctionner tout de suite ». Non, il faut pas s'attendre à quelque chose, des profits immédiatement. Mais on souhaite la meilleure des chances au satyre parce que c'est une salle de spectacle qui en vaut la peine. Absolument. Mais on s'éloigne de plus en plus du sujet des courses d'auto. Tout à fait. Hein? C'est ce qu'on fait. On a parlé tantôt de l'horaire de ce qui s'en vient plus tard aujourd'hui. La fête de semaine ne fait que commencer en ce vendredi matin. Il va y avoir tout samedi, tout dimanche. La semaine passée, c'était seulement samedi et dimanche. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu as retenu la semaine passée? Tu étais ici, tu étais présente pour faire des entrevues, entre autres, la semaine passée. Oui, tout à fait. Bien, la semaine passée, en fait, on était ici avec Sifu. Malheureusement, on a eu quelques complications du côté de l'installation, entre autres la tente qui a explosé, comme on le disait tout à l'heure. Mais tu as fait des choses quand même parce que tu es productive sans Sifu, toi. Exactement. Alors, j'ai animé dimanche toute la journée pour ce qui était de la super moto et de l'autoquad. C'est quelque chose qui était totalement nouveau pour moi. Je n'avais jamais encore eu la chance de discuter de moto, de motocross et de side-by-side. Side-by-side, autoquad et side-by-side, c'est la même chose? Oui, autoquad puis side-by-side. Quatre roues, je te gagne. C'est vraiment un quatre roues monté pour la course, je te dirais. Puis, on fait le même tracé que les gens qui étaient en rallycross. OK. Alors, c'était vraiment basé sur la même formule. On devait automatiquement faire le tour du Joker. Pour ceux qui ne savent pas, le tour du Joker, c'est passer à un espace qui va prendre un petit peu plus de temps que le tracé normal, mais chacun des participants doit y passer. Donc, ce fameux tour-là va être capable de déterminer si on a la chance de pouvoir dépasser quelqu'un ou si on va avoir assez de temps, justement, assez d'espace entre deux concurrents pour pouvoir conserver notre première position de tête. Alors, c'était vraiment quelque chose de différent pour moi d'animer un type de course qui est totalement dans la terre. C'est quelque chose que je fais très, très, très, très, très, très, très rarement. en temps normal, moi, tout se passe sur l'asphalte. Okay. Alors, de ce côté-là, c'était une grande première, mais j'étais très bien accompagnée. J'étais accompagnée par des gars qui connaissent ça. Marc Quentin de RDS était là à mes côtés. Il y avait aussi François Cominardi, qui est le directeur de Supermoto Québec. Et il y avait aussi un Américain qui était Scott E.J., qui était aussi très, très lié avec la série de motos. Et j'ai vraiment apprécié mon dimanche parce que j'ai beaucoup appris de ces deux séries-là qui étaient complètement différentes de mon domaine normal, de ma zone de confort, disons-le comme ça. Alors, le petit tampon, un petit défi une fois de temps en temps, c'est le fun. Exactement. C'est bien beau t'améliorer dans ton domaine, mais il faut des fois aller voir ailleurs. C'était un beau défi et j'ai vraiment apprécié ça parce que c'est une adrénaline qui est complètement différente de celle qu'on voit chez certains pilotes en temps normal. Pour ceux qui connaissent bien le monde de la course automobile, bien évidemment, lorsqu'on se retrouve dans une voiture fermée, on est très, très concentré pour le pilote. Il y a beaucoup de choses qui se passent en tête, mais il y a beaucoup de visualisation aussi. Bien évidemment, on a de l'adrénaline, mais de ce côté-là, on sentirait peut-être les pilotes de circuits routiers, les pilotes NASCAR, peut-être un petit peu plus calme que les pilotes justement qu'on retrouvait en moto la semaine dernière. Et c'était le fun de avoir parce que ces pilotes-là ont vraiment pas froid aux yeux. Hein? C'est des pilotes qui partent à approximativement 45 sur la piste en même temps et qui vont tous rentrer dans le coin numéro 1 ici au stade. En même temps. Ouais. Alors, on l'a vu, on était présent. En tout cas, moi, j'étais présent samedi matin avec toi, ici pour le kiosque. On a vu la ligne de départ des coureurs, des pilotes. Il y en a qui prennent le temps d'arrêter en arrière en se disant, je vais rattraper le temps plus tard. Quand les autres vont être plus devant, je vais pouvoir me faufiler un chemin pour ne pas me faire foncer dedans. Est-ce qu'il y a plus d'accidents en moto qu'en auto? Je te dirais que c'est très, très différent parce que la conduite elle-même est différente. Mais ce qui ajoute peut-être un petit côté dangereux à la moto, c'est bien évidemment qu'il devait faire des sauts. Alors, de ce côté-là, ici, on avait aménagé un terrain qui était différent. Pour ceux qui étaient là, vous l'avez vu, c'était sur le terrain du rallycross, dans le côté terre du circuit. Et c'est ça qui amenait un petit côté peut-être dangereux parce qu'il y avait certains sauts où, lorsqu'on atterrissait, on ne voyait pas nécessairement s'il y avait un autre pilote qui était déjà tombé en auto. Alors, de ce côté-là, on demandait aux pilotes, ceux qui voulaient sauter, de se mettre à la droite du saut et ceux qui voulaient tout simplement peut-être rouler les sauts, alors, eh bien, c'était à la gauche. C'est ça. Mais ça a du sens. En même temps, c'est comme les voies sur une route. Tout à fait. Puis c'était vraiment pour le côté sécuritaire de la chose parce que les gars de moto, c'est, il faut se le dire, c'est des gars qui sont très, très... comment je pourrais dire, à fond la caisse. Ah, j'ai pas réussi à finir ta phrase. Non, malheureusement. À fond la caisse et le sang chaud aussi. Bien souvent, on peut avoir des situations en piste où que les gars sont pas nécessairement contents et ils vont le démontrer en piste. J'imagine. Mais la semaine dernière, ce qui avait une particularité, c'est que l'événement était sanctionné par la FIA, donc par les grands boss du monde de la course automobile, la Fédération internationale de l'automobile. Ah, c'est pas la FIFA pour le sac. Non, exactement. C'est vraiment la FIA. Ouais, c'est bizarre. Et on avait demandé aux pilotes, justement, d'être courtois en piste. Oui. Donc, quand tu demandes aux gens d'être courtois au sein de sa clientèle, ça marche. C'est ça, ça marche jamais. Mais bien souvent, en course automobile, surtout en moto, ce que l'on va pouvoir voir, c'est, oui, on peut avoir des pilotes qui vont malheureusement faire le doigt d'honneur à un autre pilote en piste. C'est quelque chose qu'on voit en motocross. Lorsque les gars sont arrivés ici, on a demandé aux gars d'être courtois parce que c'était sanctionné par la FIA. C'est quelque chose qui est télévisé. Alors, on voulait vraiment que les gars soient gentils les uns envers les autres en piste. Main dans la main. Ben, peut-être pas main dans la main, mais c'est quelque chose qui a vraiment été mis à la lettre. Mmh. Et ça a été super le fun parce que de ce côté-là, on a pu voir des pilotes qui pouvaient syndiquer quelque chose. Comme exemple, s'il y avait eu un incident à un certain coin, bien là, on pouvait voir un des gars qui était à l'avant faire un signe de main aux autres gars pour dire « OK, les gars, ralentissez parce que ça s'en vient. Là. On va rencontrer un gars qui a tombé. Ouais. » Donc, de ce côté-là, c'était le fun d'avoir cette fameuse courtoisie-là les uns envers les autres. Moi, en tout cas, je trouve ça pas mal plus... cool dans Excitebike parce que tu vois à l'avance les... Tu sais, Excitebike, tu te rappelles pas Excitebike avec les bosses de... C'était comme gauche à droite dans... avec les bosses puis les... Sans moto, ça faisait... Excitebike! OK. Jeu vidéo. Non? Non, Mathieu. Mario Kart. Excitebike! Non, jamais joué à ça. Le public à la maison sait de quoi je parle. Probablement. Hein? Probablement mieux que moi. En tout cas, bref. Voilà pour les motos. Comme cool. C'est la semaine passée, c'est ce que tu as retenu le plus. Oui. Bon. Est-ce qu'on écoute une pièce de musique avant de continuer? On pourrait. Ce serait cool. C'est toi qui décides cette fois-ci. C'est moi qui décide cette fois-ci? Oui, c'est à ton tour. Là. OK, je vais y aller. Ça veut dire que tu vas me prêter ce qui... Ah, si tu veux. Oh, oui, tiens. Vas-y. Tiens. Ah, OK. Garde directement ça. Là-dessus? Ben, oui, vas-y. Okay. Moi, pendant ça, je vais vous dire que tantôt, je vais vous préparer un petit site un fait, Tania. Je pense que je vais essayer de t'apprendre des affaires. Ah ouais, tu vas essayer de faire ça? Peut-être pas nécessairement tout le temps sur les chars, mais sur ce qui est dans la rue. Tout ce qui est règlement de vitesse, peut-être des lois par rapport aux autos, tout ce qui est vitesse, transport, des trucs comme ça, donc dans cet effet tout à l'heure. Ça devrait être très, très intéressant. Mm-hmm. Et pour ceux qui écoutent l'émission En piste avec Tania Baudin, mercredi souvent, 14h. Oui, exactement, mercredi 14h. Vous savez, la plupart du temps, que je fais jouer en temps normal de la musique country. Alors, si vous me le permettez, c'est quelque chose que je vais faire de ce moment. on va aller écouter un petit peu de Tim McGraw avec la pièce Truck Yeah et au retour, bien, on va faire quelques segments avec Mathieu Plante. Des Tim McBeat, j'aimerais ça aussi. Des Tim McBeat. Comme des Tim McBeat, mais McDonald's devrait faire des Tim McBeat. Mathieu, ça fonctionne pas. C'est long. Attends, on y va avec celle-là. On va voir. Guess what? C'est une option. Ah, ben oui, mais là, ben c'est parce que, bien évidemment. Go VR! Trois-Rivières, Ange Gardien! Oui, le Grand Prix Trois-Rivières, une diffusion, une présentation de Sifu 89. On va piler par-dessus un peu, comme au Super Bowl. Et voilà, c'est parti. Tim McGraw, on se retrouve tout de suite après. We'll be right back. the subs in the back of my crew cab. Redneck rocking like a rock star. Sling a little mud off the back, we can do that. Friday night football, Saturday last call, Sunday hallelujah. If you like it up loud and you're hillbilly proud, then you know what I'm talking about. Let me hear you say, truck, yeah, I wanna get it jacked up, yeah, let's crank it on up, yeah. With a little bit of luck, I can find me a girl with a truck, yeah, we can love it on up, yeah, till the sun comes up, yeah. And if you think it's life, our love is a little too country. To hang out, chilling in the back room, hanging with my whole crew, sipping on a cold brew. Hey now, got a mixed up playlist, DJ play this, wanna hear a country song. If you like it up loud and you hear Billy proud, throw your hands up now, let me hear you shout. Truck, yeah, wanna get it jacked up, yeah, let's crank it on up, yeah. With a little bit of luck, I can find me a girl in the truck. Life I love is a little too country. Truck, yeah. Out for country, city, farm. It don't matter who you are. Got a little fight, got a little love, got a little redneck in your blood. Are you one of us? Truck, yeah, I wanna get it jacked up, yeah, let's crank it on up, yeah. With a little bit of luck, I can find me a girl with a truck, yeah, we can love it on up, yeah, till the sun comes up, yeah. And if you think this life I love is a little too voilà. Voilà. Truck, ça yeah, de Tim McGraw. Oui. Le genre de musique que vous pouvez entendre dans l'émission En piste avec Tania Baudin tous les mercredis de 14h à 15h sur les ondes de CFOU 89.1 FM. On rappelle les dimanches à 16h, sauf cette semaine parce qu'il y a du Grand Prix. Exactement, parce que le Grand Prix est le radiodiffuseur officiel du Grand Prix de Trois-Rivières. Alors, si vous ne pouvez pas automatiquement vous rendre sur le site pour être présent pour les courses, vous pouvez tout suivre sur... Oui, je pense que tu es en train de couper les deux en même temps, Mathieu. Non, je pensais que le tout était mis. Vas-y, voilà. Non? Oui, exactement. Alors, alors, si vous faites. J'ai tellement bien faire en plus. Je sais. Mathieu est en train d'essayer de faire le contrôle et malheureusement. Sont à l'envers du bon sens. C'est ça, exactement. Ouais. Il a malheureusement fermé le mauvais micro. Mais tout ça pour dire que si vous n'êtes pas sur le terrain du Grand Prix pour les courses, vous pouvez utiliser l'application téléphone C'est fou ou encore synthoniser le 89.1 FM. D'autres façons de faire, non seulement sur iPhone, vous pouvez aller sur l'application C'est fou live, mais si vous êtes sur Android, l'application TuneIn Radio est celle qui vous permet d'écouter C'est fou. Vous avez juste à taper, aller dans le bouton radio local et C'est fou est là. Donc, ceux qui pensent qu'on n'est pas sur Android et qu'on n'a pas d'application pour Android, vous vous trompez. Exactement. On n'a pas l'application, mais on est sur une autre application. Oui, tout à fait. Puis, vous pouvez suivre tout ce qui va se passer sur la piste ici en fin de semaine grâce à notre application, grâce au site Internet, grâce aux animateurs qu'il va y avoir. Entre autres, vous allez probablement m'entendre interviewer des pilotes après les courses parce que c'est quelque chose que je vais faire pour le Grand Prix de Trois-Rivières aujourd'hui et demain. Et comme on vous le répétait, l'émission spéciale En piste avec Tania Baudin va être diffusée une heure, à part aujourd'hui, une heure à l'avance sur l'horaire habituel du Grand Prix Trois-Rivières. Alors, si demain les courses commencent à 8 heures, eh bien, sachez-le, nous serons en onde dès 7 heures. Wow! 7 heures! Tu me niaises, là? Non, je te le dis, Mathieu. Eh hey boy! C'est comme ça que j'annonce à mes co-animateurs qui doivent se lever très tôt. Puis avec les détours que ça nous force à faire, ce petit stade olympique-là? Bien, probablement que si tu es prêt à te lever quand même de bonne heure, je pourrais aller te chercher. Ah, t'es trop fine, t'es trop fine. Je sais. Parce qu'on répète la situation, Mathieu a malheureusement pas de véhicule pour se déplacer. Ben oui. Alors Mathieu a bravé la tempête ce matin. Tellement. Il est venu. Il a fait au moins 5 fois la distance qu'il aurait fait habituellement. Probablement, parce qu'on a dû lui faire faire une couple de détours dû aux activités qu'il y avait déjà sur la piste. Alors de ce côté-là, je pense que Mathieu et moi, on a dû se parler pendant un total de 30 minutes au téléphone, ce matin au téléphone ouais. pour trouver d'autres endroits où il pouvait passer et se rendre au studio. C'est un bon moment, je trouve. Ben oui, c'était très bien. C'est plaisir. C'était bien fait. Mm-hmm. Mathieu, est-ce que tu as réussi à ouvrir tous tes liens que tu voulais ouvrir pour qu'on puisse jaser de course automobile? J'ai réussi, mais maudit, j'essaie de trouver la chanson d'intro, puis je suis pas capable. C'est celle-là? Je suis pas sûr. T'as un peu joué. Mais t'es plus branché. Non, je sais que je suis plus branché, mais je voulais trouver ma toune, puis après ça, t'as me rebranché juste pour la toune, genre. Mais, OK, mais je suis pas sûr que je l'ai. Ah, t'es pas sûr? Mais vas-y dans ton micro, fais un test. T'as un peu. OK, je vais avancer. Ça va sonner mieux. OK. OK, c'est ça. OK, j'ai. OK, donne-moi Mathieu, ton fil. OK, okay on y va. On va faire ça sur le fly. Parce que, comme vous le savez, on est en direct du Grand Prix Trois-Rivières toute la journée. Oui, mais tu vas vraiment m'être reconnaissante, OK? OK, vas-y. Attention, OK. Il va falloir que tu m'ouvres le son, par oui, exemple. Oui, pardon. Attends un peu. Okay. C'est parti. Prête? OK. Prête? Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Hein, ça valait la peine quand même de trouver la chanson là. Fait, OK, on gardera pas le fond tout le long là, mais on comprend qu'il fallait au moins l'intro même si on est au Grand Prix de Trois-Rivières là, hein? Oui, clairement. On fait pas les affaires à botch là. Mathieu, tu nous fais-tu des faits entièrement course automobile? Oui. En fait, je te fais des faits là, sur la vitesse, mot de charrue. Je veux dire, non, excuse-moi, attends, non, j'ai mal lu mon affaire, c'est, je te fais des affaires sur la vitesse, les chars et les rues. Oups. Ah, OK, voilà. Excuse-moi, je me suis vraiment trompé. En 1954, oui. Tania, John Stapp. OK. John Stapp, en français, Jean Stapp. Ben oui, il s'en tape. C'est ça. C'est attaché à un sleigh. OK. Il appelle ça un rocket sled. Il a accéléré jusqu'à 632 000 à l'heure en 5 secondes. Ensuite, il a décéléré à 0 000 à l'heure en 1,4 secondes. Il a vécu du 46,2G. Il est devenu temporairement aveugle. Il a vécu avec deux yeux au beurre noir parce que ses yeux, OK, avaient été tirés par en avant par la force des 46,2G. Est-ce que tu es sérieux? Je te le jure, c'est M. John Stapp. Ah, oh, mon Dieu, c'est beaucoup. Futur prénom de l'année, Jean Stapp. Oui. Sûr. Appelez vos enfants comme ça. Jean Stapp. Jean Stapp! Ensuite, deux pompiers de la Virginie ont été suspendus après avoir transporté ou, en tout cas, amené avec eux une fille de 18 mois. Ils l'ont amenée à l'hôpital dans leur camion de pompiers. C'est ça. C'est une politique, en fait, qui interdit ça. Mais finalement, ça a sauvé la vie de la fille. La raison derrière tout ça, c'est que le camion de pompiers a une licence d'unité de non-transport. Oui, donc, c'est pas supposé transporter des gens. Ils n'ont pas les bonnes, ils ont pas les ceintures, les attaches, mm-hmm. tout ça. Il n'y a pas non plus de médicaments dans le camion de pompiers. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas supposé transporter des gens qui sont malades. Mais dans plusieurs villes, par contre, les pompiers sont les premiers répondants. Oui, des paramédics. Oui, exactement. Premiers répondants, tout à fait. Ensuite, on s'en va à Stockholm, en Suède, qui a testé une loterie de caméras de vitesse. Où les gens, en fait, qui suivaient les règles de vitesse, participaient automatiquement à un concours, à un genre de loterie, pour gagner un prix. Et le prix, l'argent du prix, était un bassin d'argent que les gens ont, ceux qui ont eu une contravention. Ah, d'accord. Fond, ceux qui ont payé une contravention, ça va dans un petit pot. Ouais. Après ça, la personne, il y a un concours parmi ceux qui suivent les limites de vitesse pour gagner le prix. Ah, c'est merveilleux. C'est vraiment pas pire. Hein? C'est vraiment pas pire. En Suède. On devrait tous aller en Suède. Ouais. On continue avec c'est un fait, donc toujours dans une chronique de chars, de rue puis de vitesse. Oui. Jaguar, tu connais Jaguar? Ben oui, certainement. La compagnie du char, qui à l'origine s'appelait SS Cars. SS, ça te rappelle peut-être un petit peu les nazis, en fait. Oui. Donc, ils se sont renommés en 1945 pour éviter la confusion avec l'organisation nazie. Donc, Jaguar, qui s'appelait SS Cars à l'époque. Devine le pourcentage de gens dans des poursuites de voitures qui vont réussir à s'enfuir de la police à Los Angeles. Donc, à Los Angeles, il y a tout le temps des poursuites sur les télés locales. C'est mur à mur de poursuites policières. Combien de pourcentage de gens réussissent à s'en sortir? Ah, oh, je suis sûre que c'est un gros chiffre en plus. Je vais dire... Ma face dit tout en ce moment. Ah ouais, ouais. Mathieu me fait des yeux en voulant dire non, peut-être pas. Je vais dire 15 %. Et t'es proche, c'est 18 %. Bravo! Tu vois, c'est quand même un gros chiffre, je trouve. Je te le donne, oui. Comme pourcentage de gens qui peuvent c'est partir. C'est presque le 1/5, certains dire. Quand même, on s'entend. Ensuite, on va parler de Komal Ahmad. Hop, attends un peu, je pense que j'ai fermé mon fil. Ah oui, OK. Donc, Komal Ahmad qui a créé un service, une OSBL, organisme à but non lucratif, qui s'appelle Feeding Forward. Par son site web et une application mobile, Feeding Forward va matcher, va accoupler des entreprises qui ont un surplus alimentaire avec des maisons pour personnes sans abri. Donc, comment ça fonctionne? C'est que la compagnie, lorsque des compagnies ou des planificateurs d'événements ou peu importe ont de la nourriture en surplus, ils vont appliquer, ils vont toucher à l'application Feeding Forward, fournir des détails et un chauffeur, un conducteur va venir rapidement chercher les restes et va les livrer à des banques alimentaires. Donc, c'est ça le lien avec la voiture. On vient chercher ça en voiture puis on vous l'envoie au bon endroit. C'est génial. Ensuite, continuons avec le président Lyndon B. Johnson, ancien président américain, qui était propriétaire d'une voiture amphibie. Mm-hmm. Amphibienne? Amphibieuse? Amphibienne? Amphibienne? T'es sûr? Je pense toutes. Je vais... Merci. Elle a le regard vide qui regarde dehors. Non, oh, regardez l'écran. OK, OK, OK. Parce que nous, il faut que vous le sachiez, on a un écran qui est directement relié avec les images du Grand Prix Trois-Rivières. Alors, si jamais il arrive quelque chose, on peut vous mettre à l'affût directement. Mais là, c'est une annonce de Monster. Et moi, je suis de dos à ça. Puis je suis habitué à ce que Tania ne m'écoute pas pendant la chronique, pareil, fait que c'est dingue. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Oh. Le président Lyndon B. Johnson, donc ancien président américain, qui était propriétaire d'une voiture amphibienne, une voiture qui était aussi bien une voiture-véhicule, donc normale, et un bateau. En fait, il faisait peur à ses invités en les conduisant directement dans le lac pendant qu'ils criaient. Il faisait semblant que les freins ne fonctionnaient pas. Ah, oh, mon Dieu! C'était l'ancien président américain qui faisait des pranks. C'est comme juste pour rire les gars avec Foulado. C'est, hein? C'est pareil. Pareil. Ensuite, la personne qui a inventé l'arrêt stop. Oui. Tu as compris qu'on est encore dans la thématique de voiture, là. Tout à fait. C'est pour ça que de rappeler aux auditeurs. Donc, la personne qui a inventé la pancarte arrêt stop, la pancarte, c'est qui avertit qu'il y a des piétons qui peuvent passer là. Oui. Pancarte de piétons. Le cercle de trafic, je ne sais pas trop ce que c'est, et les rues à sens unique, ainsi que les stands de taxi et les îlots pour piétons. C'est la même personne, il s'appelle William Phelps Eno. Il n'a jamais appris à conduire. Ah, pour vrai. Il a inventé tout ça. Il a inventé tout ça, puis il n'a jamais... Ah, oh, ouais, ça me surprend. Phelps, pareil comme le nageur. Oui. Oui. Celui qui a gagné là, avec une avance assez remarquable aux Jeux olympiques justement, avant-hier. Ce qui me rappelle, Caroline, c'est cool de connu avec toi la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques comme ça. C'est avec vrai? Toi, j'aime ça. Oui. Ah non, excuse-moi, c'est le Grand Prio de Trois-Rivières. Oui, exactement, Prio. Mathieu. On est en direct du Grand Prix de Trois-Rivières. Grand Prio de Trois-Rivières. Et voilà. Les Dalmatiens, les chiens, qui couraient à côté, en fait, des camions de pompiers qui étaient traînés par des chevaux à l'époque. Donc, les camions de pompiers avaient des chevaux à l'avant. Les chiens couraient à côté et ils étaient, dans le fond, les chiens, ils étaient la sirène de l'ambulance ou du camion de pompiers, en fait. Ils jappaient à côté. Donc, ils passaient à côté des chevaux et ils jappaient pour tasser les foules. C'est pour ça qu'ils ont une réputation positive avec les pompiers. On les voit souvent en habit de pompiers, les chiens. Ben oui, tout à fait. Puis le dalmatien, entre autres, c'est le chien que l'on prend en temps normal pour représenter les pompiers. Absolument. Donc, la tradition du dalmatien dans les maisons de pompiers, ou comment tu appelles ça, les pompieries? Il y a sûrement un nom en français pour ça. C'est une caserne de pompiers. Ben oui, voilà. Donc, ça date de plus d'un siècle. Voilà. Maintenant, non seulement c'est des mascottes, je m'excuse. Mathieu, notre public rit de toi. Ah, merci. Hey, crew, c'est le fun. Ah, j'aime ça. J'aime ça, c'est des niaiseries. J'aime ça, inventer des mots. Ça peut faire plaisir à du monde. On va en 1955 maintenant, Tania, avec une femme de l'Arkansas qui est entrée dans une station-service, station de gaz, dépanneur, etc. Elle a dit à la personne qui s'occupait de la station en chuchotant, OK? Oui. Je vais essayer de chuchoter. Je trouve que tu devrais checker le gars derrière moi parce que je pense qu'il est sous. OK, donc la police a dit que le gars derrière lui était en fait un camion pick-up sans chauffeur dont le bumper était barré au bumper arrière de la voiture de la femme. Donc la femme conduisait, puis elle traînait un truc, puis elle disait le gars derrière moi est sous parce qu'il il conduit tout croche. C'était elle qui était tout croche. Ils l'ont arrêté pour poursuivre en état d'ébriété. Mais non. Mais comment il a fait pour accrocher un pick-up sur sa voiture? Je sais vraiment pas. Ça le fait, je dis pas. Mais peut-être même que c'était voulu. Peut-être qu'elle traîne le truck. Peut-être que c'était ça le but de son aventure. Puis ça, elle s'en rappelait plus parce qu'elle était saoule. Puis elle était saoule. C'est pas pire, hein? Ne conduisez jamais en état d'ébriété. Soyez prudent. Toujours dans les faits de voiture, un chien de, comment dire, de ruelle, un chien abandonné, oui? si on veut, a sauvé une femme. Elle a fait un crash, donc elle a accidentellement passé par la fenêtre arrière de sa voiture. Donc, son berger allemand est sorti... un berger allemand dans la forêt, on a dit qu'un sans propriétaire. Il l'a tiré par le col, l'a tiré de sa valise d'auto. Il a fait 50 verges à travers le terrain pour pouvoir se faire voir par les passants en voiture. Donc, le gars, il a sauvé la madame qui était... qui est passé par la fenêtre de son char. Quand même! Les rues du nord-est de Minneapolis ont été nommées, en fait, en l'honneur de présidents américains. Donc, les pancartes de rue donnent les noms des présidents en date de leur élection pour aider les nouveaux résidents qui viennent de Pologne, d'Ukraine, du Liban et de l'Allemagne pour se préparer pour leur examen de citoyenneté. Ah, ouais. Donc, les noms de rue sont tous les présidents américains dans l'ordre de leur élection. C'est bien. Il nous en reste que quelques-uns, là, très, très rapidement. Lamborghini. Oui. Tu connais ça? Qui fournit deux Gallardos, ouais. Une voiture Gallardos, à la police d'État italienne qui utilise ces voitures-là pour livrer des dons d'organes. Dons d'organes pour des patients, donc c'est des voitures qui vont très, très vite, et Lamborghini, évidemment. La valise qui est à l'avant du véhicule est équipée de systèmes de réfrigération spécialisés pour transporter les dons d'organes. Pour les extrêmes urgences, il y a aussi un défibrillateur utilisé pour ramener le rythme cardiaque des patients en leur donnant un choc au cœur pour empêcher l'arythmie cardiaque massive ou encore la fibrillation ventriculaire et donc sauver des vies. Mon Dieu! Génial. Ensuite, tenir son volant à 10h et 14h. Tu connais 10h et 2h, ouais. Le classique? Exactement. Est-ce que tu savais que c'était dangereux, selon certains? Ah ouais? Parce que si le sac, comme on appelle ça, le sac gonflable, oui? Se déployait, ça va forcer tes mains à entrer dans ta face, ce qui va te causer des blessures. On recommande maintenant 9h et 15h ou encore 8h et 16h. Oh, je ne savais pas. 9 et 3, 8 et 4. Nouvelle façon. Donc, on doit tenir son volant exactement au milieu de chaque côté, à la place de en haut vers... Ah! Eh bien, hein? On va devoir garder ça en tête. En tout cas, selon ce fait-là, moi, j'ai pas le choix. Ouais, c'est ça. Toi, t'as pas cette occupation-là. Pas cette occupation-là. Et pour terminer, tiens, OK, j'ai parlé de char, j'ai parlé de rue, j'ai parlé de vitesse, de transport, peu importe. Je voulais quand même quelques petits faits olympiques, rapidement. Oui, ben oui, allons-y. Aux Olympiques d'été de 1908, le duel par pistolet était un sport. Les participants utilisaient des balles de cire et des masques de métal pour la sécurité. Eh, mon Dieu! Ben, ça se fait plus, hein, ça. Mais je pense que c'est rentré dans le... pas le triathlon, là, mais il y a un sport encore où ils font du tir. Mm-hmm. Oui, oui, non, il y en a plusieurs, oui, oui. Exact. Comment? Hein? Pas dans le biathlon? Oh, peut-être, oui. Je pense que c'est ça. Je pense qu'on n'était pas si dans le champ que ça, Mathieu. Voilà, je pense que ça va faire pour C'est un fait pour cette fois-ci. Cool, hein? Excellent. Alors, on va aller en musique avec Eagles Life, avec la pièce In the Fast Lane. Rien de moins pour le Grand Prix de Trois-Rivières. On se retrouve tout de suite après. Vous écoutez En piste avec Tania Baudin sur les ondes de Cifou 89 FM. Une présentation de Gauvier. Une présentation de Gauvier. Terminally pretty. Eagles Life avec la pièce In the Fast Lane. Vous écoutez toujours En Piste avec Tania Baudin. Émission spéciale Grand Prix de Trois-Rivières. Tellement spéciale. En direct du Grand Prix de Trois-Rivières. Sachez-le, on est situé près des concessions. On a notre studio mobile, gracieuseté de GoVR. Encore une fois, merci beaucoup à GoVR. Sans eux, on n'aurait probablement pas de studio cette fin de semaine. Effectivement. Et donc, moi, c'est Tania Baudin, en passant. Oui, enchantée. Moi, c'est Mathieu Plante. Cool. Tania Baudin, en compagnie de Mathieu Plante. Équipe de feu, on peut le dire maintenant, je pense. De café et de feu. De café et de feu, voilà, tout est dit. Et tout à l'heure, on parlait de météo. On pensait... Météo. Oui, c'est le segment météo. Vas-y, Mathieu. Ah, j'avais juste à le faire. Météo. On croyait que la météo allait être de notre côté pour les minutes qui suivaient, mais là, comme je peux voir à travers la fenêtre, ça semble recommencer. Pareil comme à TVA, check par la fenêtre. Check par la fenêtre. Je vous le dis, c'est mieux que Météo Média. Oui, vraiment, plus fiable. Plus fiable. Puis tout à l'heure, ça disait moins d'un millimètre. On est quand même rendu à probablement 12. Ah, tu comptes les millimètres, toi? Ça tombe, là, c'est comme 1 millimètre, 2 millimètres, 3 millimètres. Ben oui, tu savais pas? Non. Mais oui, j'ai une calculette à millimètres de pluie. Une calculette. Et voilà. Ah, bah, dis donc. Eh bien, oui, ça fait. T'es encore déconcentré par la télé. Je regarde l'écran du Grand Prix Trois-Rivières et ça a parlé du record absolu du temps de piste. Et sachez-le, c'est Tristan Vautier qui l'avait fait il y a quelques années en formule Pro Mazda. Mm-hmm. Pro Mazda qui n'est plus ici, malheureusement, mais on a quand même la IMSA prototype, Mazda prototype Light, qui est présentée par Cooper Tires. Qu'est-ce que c'est exactement? Tout à l'heure, je l'ai dit, ça fait 13 ans que la série n'est pas venue ici dans les rues du Grand Prix Trois-Rivières, mais là, on revient cette année. Et les voitures sport prototype reprennent vraiment leur place à notre Grand Prix. La série Mazda Prototype Light présentée par Cooper Tires, ça permet à des pilotes prometteurs de pouvoir prouver leur talent et de développer leur habileté au volant de barquettes, parce qu'on les appelle vraiment comme ça. Comme les affaires que tu mets au micro-ondes, là, j'en ai tiré pas avec du plaid. C'est des barquettes identiques fabriquées par Ellen Motorsports, émues par des moteurs Mazda MZR2 Lite. Émues par les moteurs Mazda. Oh, t'aimes ça, hein? Et ça développe plus de 230 chevaux. C'est sanctionné, bien évidemment, par IMSA. Et les prototypes se veulent un incubateur pour les jeunes talents qui veulent orienter leur carrière vers les prototypes, comme exemple les prototypes qu'on peut voir aux 24 heures du Mans ou encore aux 12 heures de Sebring ou encore aux Rolex 24 de Daytona. Mm-hmm. Alors, de ce côté-là, c'est vraiment une série qui va être très, très intéressante à revoir en piste cette fin de semaine. Je le sens. Plusieurs pilotes sont ici. Je pense qu'on a plus de 20 voitures qui vont être en piste du côté des Mazda prototypes et plusieurs pilotes très prometteurs, comme le disait le petit texte sur le site du Grand Prix Trois-Rivières. Ah, c'est pas de ta création, le texte. Non, malheureusement, sachez-le. Je suis allée chercher mes informations sur le site direct du Grand Prix Trois-Rivières et je crois qu'il y a un des anciens pilotes qui a fait ici le Grand Prix Trois-Rivières il y a quelques années, Max Henratty, qui coursait en Pro Mazda et en Formule 1600 il y a quelques années. Eh bien, il se retrouve dans cette série-là en fin de semaine. Alors, j'ai bien hâte de voir comment il va se débrouiller en piste, ça devrait être très intéressant à voir. Tout à l'heure aussi, je le disais, on va avoir des essais qui vont commencer dès 12h30 aujourd'hui. Le site va être ouvert au public dès midi, donc dans 30 minutes à peu près, un petit peu moins, 25 minutes, le site devrait ouvrir au grand public. Et la journée de course va commencer avec les qualifications. Okay. Alors, pas encore d'essai pour la Formule 1600. Quoi la différence entre les qualifications? La qualification, c'est pour choisir qui va courser en quelle position? Exactement. Mon Dieu, Mathieu, je dis n'importe quoi, puis je l'ai. Tu t'en viens bon, je pense que je t'éduque bien. Alors, du côté de la Formule 1600, on n'a pas de séance d'essai libre. On commence vraiment en qualification parce qu'au cours de la journée, on va avoir deux courses différentes et par la suite, on va commencer les essais. Donc, ça va être Canadian Touring Car Championship, donc la CTCC. Ce sont des voitures de route normales qu'on a pu modifier pour faire de la course automobile. Donc, on a changé la cage de sécurité. Mm-hmm. Pour plusieurs, on a changé la puissance du moteur. On a vraiment une réglementation assez stricte de ce côté-là. Une série qui est gouvernée par John Bondar et Dominique Longval, qui est d'origine de Trois-Rivières. Ah, ben oui. Mais sachez-le, c'est quand même une réglementation très, très stricte au niveau de tout ce que l'on peut faire du côté moteur, du côté mécanique et tout ça. On veut quand même que les voitures gardent une performance quand même assez, je ne veux pas dire de rue, parce que c'est pas nécessairement correct de dire ça lorsqu'on parle de course automobile, mais on ne veut pas pousser les budgets à un budget beaucoup trop extrême. Alors, de ce côté-là, la CTCC, sachez-le, c'est une série qui est tout le temps très le fun à regarder en piste. On a plus de 32 véhicules en piste cette fin de semaine pour la CTCC. On parle aussi des essais de la Porsche GT3 Cup Canada. Ça aussi, il y a plusieurs pilotes très prometteurs, entre autres le pilote Daniel Morad, qui était un des collaborateurs de l'émission En piste avec Tania Bourdin. Chris Green, qui va être de retour en piste cette fin de semaine du côté de Trois-Rivières. On a aussi Zachary Robichon, qui vient de l'Ontario. Un pilote qui lui avait fait plusieurs années en karting. On a fait de la Formule 1600 pour Zach Robichon. Et là, on a décidé de faire la saison complète dans la série Porsche GT3 Cup Canada. Et ça se passe super bien jusqu'à présent. J'ai hâte de voir comment il va se débrouiller sur le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières. Par la suite, eh bien, on va y aller avec la IMSA Prototype dans l'horaire de la journée. Par la suite, la Coupe Nissan Micra. Là aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, un spectacle qu'on ne doit pas manquer, parce que si vous voulez voir du rebondissement du début jusqu'à la fin, c'est probablement la série qu'il faut regarder. Du rebondissement. Oui, Mathieu. Du rebondissement, parce que bien souvent, ça se peut qu'on voit les voitures faire du capotage. Ah oui? Oui. Hey, ce sont de petites voitures assez faciles à faire capoter. Toi, ça ne dérange pas qu'ils gagnent une course là, en tant qu'il y a des accidents et des chocs? Non, je te dirais que moi, j'y vais pour la sécurité des pilotes parce que bien souvent, j'en connais plusieurs. J'aime le spectacle que ça donne et j'aime aussi les batailles. Si on écoute, exemple, la Formule 1, bien souvent, on n'aura plus cette fameuse bataille-là depuis quelques années. Ça revient maintenant en 2016 entre certains écuries et certains pilotes, mais longtemps, elle a disparu, cette fameuse bataille-là. Et c'est ce que j'aime des différents types de séries. C'est vraiment de voir une bataille de talent, de technique de conduite aussi et de stratégie. Alors, c'est ça qui est vraiment le fun à regarder. Et on va aussi compléter tout ça par une course dès 16h avec la Formule 1600, comme je vous le disais tout à l'heure. Sachez-le, le souper sera à 18h25 jusqu'à 19h15 ce soir, parce que c'est la Formule... 50 minutes. Oui, c'est la Formule de soir. Et on veut avoir des courses à la pénombre, comme oui. Tu le disais tout à l'heure. C'est un beau vocabulaire. Oui, c'est un très beau vocabulaire. Alors, de ce côté-là, on tente vraiment de mettre les courses un petit peu plus tard pour qu'ils puissent faire noir, justement, pour qu'on puisse avoir ce spectacle-là du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. Quelle belle organisation, félicitations. Oui, tout à fait. Bravo, Bichon. T'as vraiment aimé son nom de famille. Je sais. J'espère qu'il ne nous écoute pas présentement. Non, mais c'est fait avec amour. T'sais. Ben oui, tout à fait. Zach Robichon, qui est vraiment un pilote à surveiller en fin de semaine. Du côté de la Porsche. T'es vraiment accro-bichon, hein? Ah, ses fans. Ah, j'adore. Dorénavant, ça, ses fans sont des accro-bichons. J'adore ça, comment tu dis ça. C'est ça. Oui, Mathieu. C'est à mon tour. Ben oui, c'est à ton tour. Parce que tu voulais nous faire écouter quelques pièces musicales. On s'amuse, là. Tu sais, pour vrai, il y a des tunes que j'aime bien, puis celle-là, ça me tente de l'entendre. Donc, la voici. C'est celle de MC Frontlot, Bizarro Genius. Ça, c'est fou. 89 FM. C'est la 3? C'est la 4, hein? C'est la 4. Je regarde que c'est la 4. Eh, mon Dieu, attends. Vas-y avec la 4. OK, je suis prêt. OK, t'es prêt? Go, go, go. On y va. C'est fou, 89 FM, le Grand Prix de Trois-Rivières, en direct de Rio. Une diffusion en direct du terrain du Grand Prix de Trois-Rivières. À Rio. À Rio. Bizarre, bizarro, bizarro, genius baby. Bizarre, bizarro, bizarro, genius baby. The father of Bizarro Genius, baby, she's out the womb like, dude, why'd I get expatriated? Debated at 1 month the finer points of a diaper, devised a device composed of a hose and a windshield wiper. Grew riper in intellect as the months passed, wore a dunce cap ironically. Grew fussy once and she summoned me, not sonically, but through a series of editorials that she authored. Entitled, is MC Fun a Lot One of the Worst Fathers? Oxford, Stanford, Harvard called, shouldn't call him back. Tuition and housing, I'm holding out for a danger trap.

On a eu la première année qui était ensemble. Et aussi, pour le côté organisation, c'est quelque chose qui était quand même difficile à pouvoir combiner ensemble. C'est deux types de week-ends très différents, mais lorsqu'ils étaient combinés, ça amenait peut-être un problème dans l'horaire pour... tu sais, les gars, ils passent de la terre à l'asphalte. Il faut enlever cette terre-là. Exactement. Puis par la suite, on amène des véhicules du type monoplace sur une piste qui a de la terre. Ça devient glissant pour plusieurs. Justement, ça peut augmenter les risques de... D'accident. Monoplace, moi, je pensais justement que c'était plus sécuritaire pour eux autres parce que je pensais qu'ils mettaient comme du mono autour du pilote pour qu'ils tiennent dans leur siège. Je pensais que c'était ça, le monoplace. Non, Mathieu, c'est pas comme mono. Ça que ça se passe. Mono. Monoplace, c'est que tu as simplement une place pour t'asseoir dans la voiture. Logique, hein? Si on y va de ce côté-là. Est-ce que tu as du temps pour des questions niaiseuses? Oui, vas-y. Parce que c'est quand même pour ça que tu m'as demandé de venir, j'imagine, oui? Pour les questions du grand public, ceux qui ne connaissent pas encore le Grand Prix. Donc, je suis votre fier représentant du. niaiseux? Du niaiseux, c'est ça. Mais, monsieur c'est Marron. Toi qui l'as dit, c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Moi, là, mettons, OK, mon chemin pour me rendre de chez moi à l'université où on travaille ensemble, oui? Là, c'est fou, passe par le terrain de l'expo. Okay? Oui. Donc, à chaque jour, il y avait quelque chose de nouveau. Bon, là, on a acheté des pancartes sur le bord de la route, on a acheté plus de clôtures, on barrait des entrées, on a acheté plein d'affaires. Et on a refait les coins des rues avec du béton-ciment par-dessus l'asphalte. Où ils ont enlevé l'asphalte puis ont mis du béton. Oui. Pour que c'est? Tu veux dire par-dessus les... À chaque coin de rue, ils ont mis du béton à la place de l'asphalte. C'est tout simplement pour l'adhérence des véhicules et pour que le niveau soit fait sur la rue. Okay. Donc, on le sait, un terrain de circuit routier comme celui du Grand Prix Trois-Rivières, c'est les rues de la ville. Oui. Automatiquement, lorsqu'on met une voiture de course là-dessus, ça va être beaucoup plus difficile à contrôler parce que, bien évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas changer sur une rue. Mais lorsqu'on est capable de mettre justement cette espèce d'asphalte-là ou le béton qui va venir égaliser, mm-hmm. bien, ça donne une chance au pilote de ne pas nécessairement avoir un trou et peut-être briser la suspension de la voiture ou quoi que ce soit. Comme briser notre console en frappant ça. Non, je n'ai pas brisé la console. Je rappelle que ça fait en nombre l'autre fois, hein? C'était pas toi, c'est avec Clinton. J'ai frappé sur la table super fort dans le studio pour faire un effet sonore. Puis le MP3 commençait à sauter. C'était super drôle. C'était un des meilleurs moments de ma vie. Ça devait être super bon. C'était génial. Donc, merci pour le béton. Ça fait plaisir. Aussi, ils ont racheté des pneus à tous les coins. Oui. Ça va, je comprends. J'aimerais ça savoir comment ça fait qu'ils peinturent les pneus à même l'asphalte. Les pneus sont là, puis ils remettent de la peinture. Fait que là, il y a de la peinture partout sur l'asphalte. Je comprends pas. Pour la peinture qu'il y a sur l'asphalte, ça, je peux pas nécessairement te le dire. Mais pourquoi ils sont blancs ou rouges de bord, ces pneus-là? Y a-t-il une différence entre les pneus rouges et les pneus blancs? Non, il n'y en a aucune. C'est simplement pour le visuel qu'il va y avoir à la télévision. Alors, de ce côté-là, que ce soit à TSN, RDS ou tout simplement sur les écrans ici au Grand Prix Trois-Rivières, on ne voulait pas nécessairement prendre des pneus qui vont être noirs, qui vont rester noirs, puis c'est pas beau, c'est pas beau visuellement. Alors, de ce côté-là, bien souvent, à différents types de circuits routiers, on va peinturer les pneus blancs et rouges. Ah ben, maudit, Caroline. Hey! Tu as des réponses à toutes mes questions. Toi, ça n'a même je pas de bon sens. J'en ai plein d'autres, des questions de même. Ah ouais, ben vas-y, Mathieu, je suis prête. Je voudrais savoir pourquoi est-ce que les commanditaires, OK? Mm-hmm. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont comme sur les passerelles, il y en a qui sont sur le bord des routes, puis il y en a qui sont sur les clôtures? Ça dépend du montant qu'ils donnent au Grand Prix de Trois-Rivières. OK, c'est ça l'affaire. Okay. Exact. Fait que le goût de C'est fou qui n'est pas là, c'est parce qu'on a... Pas d'argent. Okay, je suis sûr. T'as tout compris. OK, merci. Tu réponds à mes questions. C'est voilà. Merci. Mais on est quand même radiodiffuseur officiel. Oui. Alors, si jamais vous ne pouvez pas vous rendre sur le terrain du Grand Prix Trois-Rivières cette fin de semaine, sachez que vous pouvez quand même bénéficier des analystes, des commentateurs, des entrevues, des jokes poches de Mathieu. Tout ça sur les ondes de CIFU 89.1 FM tout au long du week-end. À la radio sur le 89.1 FM, sur le CIFU.ca, sur Internet, sur l'application CIFU Live sur iPhone, sur l'application TuneIn sur Android, sur vos télé intelligente, on est absolument partout. Absolument partout, puis c'est ce qui fait la beauté de la chose. Ouais. C'est qu'on est une antenne ou qu'on peut se permettre quelque chose comme ça. Alors, de ce côté-là, c'est ce qui rend la chose facile pour le Grand Prix d'être diffuseur toute une fin de semaine complète. Ben oui! Et voilà. C'est génial, ça! Oui. Super. C'était-tu à ton tour pour la musique? Probablement mon tour pour la musique, mais je voulais aussi surtout vous annoncer que ce soir, à partir de 20h du côté du centre-ville, sachez-le, il y a de l'activité parce que le Grand Prix Trois-Rivières, ça amène une tonne d'activité. Ben oui. Le centre-ville au complet change. Bien évidemment, il y a la Grande Roue. Cette fameuse La grande roue. Est-ce que tu as vu, Mathieu, sur la rue des Forges, il y a une Grande Roue? Yves Corbeil! La loterie, tout ça? Non, pas cette grande roue-là. Ah. Une vraie grande roue, là. Ah. Comme la grande roulotte, comme ici, là? Oui, c'est ça. Okay. Non, hier, je me suis permis d'aller faire un tour de grande roue. j'ai réalisé que je n'aimais peut-être pas les... Mais ça va super lentement, c'est moins oui, pire. Oui, et puis c'est vraiment pas le fun quand ça arrête en haut. Ah, j'avoue. Mais sachez-le. Je trouve que c'est moins pire quand t'es sur une grande roue parce que c'est très, très, très, très haut. Très haut, ça va. 2, 3, 4 étages, je trouve ça un petit peu malaisant pour mon cœur. Oui, mais c'est ce qu'on a trouvé assez malaisant parce que j'étais avec des amis, c'est surtout le petit balancement de la... de la navette. De la navette dans laquelle tu te trouves. Imagine celle qui tourne, la navette tourne sur une grande roue. Non, non, ça, j'y serais pas. Ouais, non, justement, je les ferais pas. Parlant de parc thématique et de parc de l'Expo, dans une prochaine chronique dans les prochains jours, parce que l'émission va finir bientôt, là, mais demain et après-demain, non seulement j'ai une chronique de ça existe par rapport aux chars, des gadgets inutiles de chars, mais j'ai aussi une chronique thématique sur des faits par rapport au terrain de l'Expo. Ah, c'est palmarès. Parfait, demain on adore ou, ça. Et du côté du centre-ville aussi, ce soir, dès 20h, il y a le spectacle avec le groupe High Five Cover Band. Ça se passe du côté du port. Il y a une grande scène là-bas. Alors, c'est les gars qui font des covers. Probablement, si vous voulez danser ce soir, c'est du côté du port de Trois-Rivières. Mathieu, est-ce qu'on termine avec une chanson notre émission? On termine ça là, c'est annoncé, on finit ça là. C'est annoncé parce que, sachez-le, les portes ouvrent à midi, mais tout ça va commencer en ondes aussi sur les haut-parleurs du Grand Prix. Nous, on arrête, mais ça continue avec les analystes professionnels du Exactement. Grand Prix. Exactement. Puis je pense que les premiers, si je ne me trompe pas, je vais aller voir selon l'horaire, mais les premiers que vous allez entendre seront Justin Bourdin Gérard Saint-Germain, voilà, pour les qualifications de la Formule 1600. Alors, ce sera les premières voix que vous allez entendre un petit peu plus tard sur les ondes de CIFU 89.1 FM. Génial. Nous, on se retrouve demain matin, 7h. 7h. En direct, ou peut-être 7h15, on ne sait pas encore. On anime à 6h30 en temps normal, l'automne et l'hiver, donc on va se remettre dedans pour une petite fête de semaine. On devrait être capable, voyons. Alors, 7h demain matin pour le spécial En piste avec Tania Baudin en direct de CIFU 89.1 FM et du Grand Prix de Trois-Rivières. Avec moi-même, Tania Baudin. Oui, clairement. On se laisse avec une pièce. Trop de choix dans son country. Il y a vraiment trop de choix dans ma bande de musique. Alors, je cherche. Vas-y, avec ton doigt, ferme les yeux. OK, on va y aller avec un classique. Ça fit quand même bien pour le Grand Prix Trois-Rivières. On va se laisser avec Ex-Ambassadors et Renegade. C'était Tania Baudin et Mathieu Plante. Bon Grand Prix, tout le monde. En direct de Rio. Oui. Bye. Lost souls in reverie. sweet blooded and I'm stranded. See if I can stand it. Drinking in the shallow water. Magnetic, everything about you. You really got me now. You do it to me so well. Hypnotic, taking. To the backyard, cause splinters walk a tightrope, spun like a bandage, touch on the outer surface, bright eyes of the solstice, wherever your mind is, headed for a freight train city, locked up till you're moonlit, brushing my hair back, feeling your lips on my cold neck, magnetic everything about you, you really got me now, you do it to me so well, hypnotic. Vous aurez Gérard Saint-Germain et Justin Baudin qui vous seront la radiodiffusion des qualifications de la série Formula Tour 1600. Alors, restez en ondes sur nos ondes. Ça va bien, ça va bien. Restez en ondes au 89.1 FM pour la radiodiffusion officielle du Grand Prix de Trois-Rivières. On vous souhaite une bonne journée à tous. Someone to trust. Maybe I. need is someone. Maybe all you need is someone to trust. Maybe all you need is someone. I won't let you down, no, I won't let you down. I won't let you down, my love.

so tame my flesh and fix my eyes, I tethered my